comme tout le mercredi, nous parlons de futur aujourd'hui, d'un futur peut-être sans animaux de laboratoire. Jamais l'éthologie ne s'est autant intéressée à la notion d'émotion animale, y compris en entomologie qui nous apprend que les mouches pourraient ressentir des formes de peur. Ces recherches ont un grand nombre de répercussions et notamment sur les animaux de laboratoire. Plus on en apprend sur la cognition animale et plus les cadres se resserrent autour de leur mise à contribution pour la recherche principalement biomédicale. Quel avenir pour ces animaux ? Pourra-t-on un jour les faire disparaître des essais précliniques sans pour autant freiner les efforts de recherche ? Et comment accéder à un statut international de leur traitement ? Peut-on se passer des animaux de laboratoire ? C'est le vaste problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette question, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Brigitte Rau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire responsable du bureau dit de l'expérimentation animale de l'INSERM. Vous nous expliquerez en quoi cette terminologie est un peu vécue, est un peu ancienne certainement. Georges Chapoutier, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS et membre du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Vous pouvez suivre cette émission sur les ondes et comme chaque jour en direct sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors pour commencer, je vous propose de démêler un peu le bon grain de livret en la matière, de reposer peut-être des bases factuelles de la mise à contribution d'animaux dans le cadre de la recherche scientifique. Est-ce que, d'ailleurs, cette terminologie vous convient, Brigitte Rau, est-ce qu'on peut dire plutôt mise à contribution d'animaux plutôt qu'emploi ou utilisation ? Oui, mise à contribution, effectivement, convient mieux. Je dirais parfois même collaboration de ces animaux, puisque l'objectif est d'apprendre à travers ces animaux les mécanismes du vivant et de le faire de manière éthique en respectant ces animaux. Donc effectivement, on peut parler, je pense, de contribution. Je ferai une réserve sur le terme de collaboration, parce que c'est une collaboration non voulue par les animaux. Oui, mais qui est encouragée dans certains cas, avec des animaux qui sont très, très évolués. Et c'est vrai qu'on parle souvent de bonne science, happy animals to make good science, mm-hmm. Donc c'est des animaux heureux qui permettent aussi d'avoir une science de qualité. C'est ce dont il faut se rapprocher. Tout à fait. Peut-être alors juste quelques mots, quelques chiffres peut-être. En France, 1 777 000 animaux utilisés dans la recherche, près de la moitié sont des souris. Vous avez quelques chiffres comme ça pour nous donner un peu la mesure de quels sont les animaux qui sont employés, quelle part, d'où viennent-ils, Brigitte Rau? Oui, alors le ministère de la Recherche doit publier tous les ans, depuis 2015. Auparavant, c'était tous les 3 ans, mais depuis 2015, les chiffres doivent être publiés annuellement sur l'utilisation de ces animaux. Les derniers chiffres de 2015 montrent qu'il y a eu 2 millions à peu près, ça a été daté de 2014 effectivement, donc plutôt en augmentation. Augmentation, je dirais plutôt en stabilisation, et surtout il faut savoir qu'est-ce qui est comptabilisé. Ce sont les animaux qui rentrent dans des procédures expérimentales qui se sont terminées au cours de l'année. Donc on a ce chiffre qui est donc aux alentours de 2 millions et qui concerne en grande partie, bien sûr, c'est pas non plus un scoop, ce sont les rongeurs et notamment les souris qui sont utilisées à plus de 45%. Donc on est à un peu plus de 65% de rongeurs qui sont utilisés. À côté, effectivement, il y a quelques autres espèces diverses, très très variables, des espèces de type poisson. Oui, deuxième catégorie, ce sont les poissons. Après les souris, ce sont les poissons à plus de 500 000. Oui, on est à peu près à plus de 20% de poissons, qui sont en général ce qu'on appelle des petits poissons, qui sont des zébrafiches. Des poissons zèbres, exactement. Voilà. Dont on verra tout à l'heure qu'ils ont eu des fonctions particulières, en tout cas une proximité génétique qui intéresse les chercheurs. Georges Chapoutier. Oui, en plus, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a eu une grosse réduction du nombre d'animaux utilisés depuis une cinquantaine d'années. Et puis maintenant, on a l'impression qu'on bute butent sur un plancher qui tourne autour de 2 millions, effectivement, plus ou moins, etc. Et pour descendre sous ce plancher, il faudra faire probablement d'autres types de réformes ou d'autres types d'inventions. Parce que là, vraiment, il y a eu tout un effort qui a été fait pour des raisons à la fois de coût et d'éthique. Mais là, on bute là-dessus. Et alors, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il reste, on a parlé des majorités écrasantes qui sont les souris, les rats, les poissons, etc. Il reste quelques chats, quelques chiens, quelques primates. Et ça tend il y a un effort, je crois, dans tous les niveaux de production, à la fois éthique et financière, de réduire ces animaux-là. Alors pour justement les chats et les chiens, il y avait effectivement, ce sont des animaux qui nous touchent plus, c'est la fameuse dissonance cognitive, hein, on est plus ému par une souris, enfin plutôt plus ému par un chat, par un chien, que par une petite souris, quoique. Par exemple, les primates représentent aujourd'hui 0,05%, Brigitte Rowe, et ça aussi c'est relativement fixe. Par exemple, on n'a plus le droit, en revanche, quand on parle de primates, les grands singes ont été retirés de la recherche animale depuis pas très longtemps, depuis 4 ans. Oui, tout à fait. Il est interdit de travailler avec les grands singes. Hein. Donc chimpanzés, bonobos, orang-outans, gorilles. Exactement. Hein, sauf tant qu'il y en a encore. Oui. Et d'ailleurs, on peut déroger néanmoins à cette règle s'il s'agit de protéger ces espèces, hein, bien entendu. En termes de ce qu'on appelle les primates non humains, vous avez en grande majorité l'espèce de macaque, qui sont très très intéressantes en recherche, mais derrière le terme de singe ou de primate, on a aussi des espèces beaucoup plus petites, telles que des petits ouistitis, hein, des marmosets, hein, des petits lémuriens, donc qui correspondent un petit peu moins à l'image que le grand public peut avoir du singe. Un mot également pour compléter ce tour d'horizon, il faut préciser que un animal sur 5 est issu d'une lignée génétiquement altéré, Brigitte Rowe. Altéré, on va dire modifié, hein, parce que dans la modification, des animaux OGM, hein, c'est-à-dire qu'on se sert on modifie leur génome dès l'embryon pour pouvoir tester telle ou telle validité, tel ou tel mécanisme génétique, telle ou telle maladie génétique. Essentiellement les rongeurs. Hein. Oui, essentiellement les rongeurs, puisqu'on connaît bien leur génome. Donc l'idée est de pouvoir, en modifiant un gène, par exemple, de voir quel est l'impact de ce gène. Un gène, bien entendu, hein, quand on modifie ce type de gène, c'est parce que on retrouve ce gène chez l'homme, et donc on espère comprendre le mécanisme de dysfonctionnement de ce gène à travers un animal qui a été modifié. Dernier chiffre, parce qu'on ne va pas passer toute cette émission à égrener les chiffres, mais tout de même elles permettent de donner quand même un aperçu, une vision d'ensemble qui me paraît importante. L'écrasante majorité, on peut dire la quasi-totalité, hein, plus de quasiment 98% de ces animaux sont des animaux qui proviennent d'élevage, Georges Chapoutier. Oui, tout à fait. Pour des raisons de protection de la faune, et puis aussi pour des raisons même de maladies, il y a les rhésus capturés dans la nature, qui peuvent être tuberculeux, des choses comme ça. Donc, pour des tas de raisons, c'est beaucoup plus commode, beaucoup plus intéressant financièrement d'avoir des animaux qui proviennent d'élevage. Et c'est l'écrasante majorité, effectivement. Et qui sont des lignées, par ailleurs, qui sont sélectionnées précisément aussi pour leur qualité, entre guillemets, de recherche. Oui, tout à fait. C'est pas simplement pour des raisons financières, c'est aussi pour des questions, je dirais même de bien-traitance, hein, tout simplement, parce que il faut savoir que les animaux qui sont élevés avec un objectif scientifique le sont dans un cadre qui est très strict, hein, réglementaire. Donc les établissements sont soumis à des normes particulières pour assurer les meilleures conditions possibles à l'hébergement de ces animaux. Il faut ajouter que l'écrasante majorité des animaux, c'est les souris, comme on l'a vu. C'est pas n'importe quelle souris. C'est des souris qui sont des souris qui ont été élevées dans les laboratoires, qui sont des braves souris, faciles à manipuler. Une souris sauvage, ça manipule pas comme ça, je peux vous dire. Hein. Alors que les souris de laboratoire, c'est des souris extrêmement passives, extrêmement douces. On a vu quelques petites souris dans les bureaux de Radio France. Effectivement, on a souvent du mal à les attraper pour les relâcher dans la nature. Je le disais dans l'introduction, les insectes ne sont pas pris en considération dans ces chiffres. Or, il y a des recherches assez récentes qui montrent que certaines mouches, notamment, peuvent être sensible à des stimuli de type émotionnel. Il faut faire attention à l'anthropomorphisme là-dessus, Georges Chapoutier. Alors d'abord, je fais quelques réserves sur l'émotion de l'émotion chez les mouches. L'émotion, c'est lié quand même, a priori, c'est intéressant quand il y a une conscience. Alors, le niveau de conscience des mouches, ça reste très, très... Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est une question qui reste posée. Alors pourquoi on ne parle pas des insectes? Tout simplement parce que la question éthique n'est posée que pour les vertébrés et puis certains mollusques très évolués comme les pieuvres. Les autres animaux, la question n'est pas posée. Alors, bien entendu, ils rentrent dans les statistiques parce qu'ils ne sont pas visés par la protection en général. Quelle est la frontière, par exemple? Les gastéropodes ne sont pas Alors, les gastéropodes, c'est beaucoup... Enfin, sur le plan, disons, intellectuel ou comportemental, ils ont un comportement beaucoup moins compliqué. Les pieuvres et les animaux voisins ont des comportements extraordinaires. Bien sûr. Très proches, non seulement des vertébrés, mais même des mammifères et des oiseaux. Ils peuvent utiliser des outils, faire des détours pour un apprentissage. On s'aperçoit que ces animaux qui sont extrêmement... C'est assez étonnant sur le plan pas évolutif que ce cousin de l'escargot soit devenu aussi intelligent que les vertébrés. On va d'ailleurs consacrer une émission complète aux pieuvres dans très très peu de temps, dans une petite quinzaine de jours, me semble-t-il. Vous serez à l'écoute, Georges Chapoutier, je le suppose. Une directive européenne, alors on va reparler hein, du cadre que vous énonciez, Brigitte Roux, qui est un cadre très strict. Il y a une directive européenne qui vient d'être mise à jour. Cette mise à jour date du 8 novembre dernier. Que disent aujourd'hui ces textes et qu'est-ce que cette nouvelle directive apporte de plus par rapport à l'ancienne qui datait, me semble-t-il, de 2013? Alors, c'est pas une mise à jour hein, des textes réglementaires. Il faut savoir qu'en fait, un des premiers textes européens qui a été mis en place date de 86 pour protéger les animaux qui sont utilisés à des fins scientifiques. Et bien entendu, depuis 86, on a progressé hein, en termes de raffinement dans la recherche. Et il était nécessaire à un moment donné de réviser, d'adapter et de renforcer hein, avec les connaissances dont on disposait en 2010. Il était nécessaire de réactualiser cette directive. Donc elle a été révisée. Donc une directive qui date de 2010 où on a eu un renfort. Voilà. 2013, c'est la transcription en droit français. Exactement, voilà. 2010, mais bon, les choses sont liées parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la législation en France découle de la réglementation européenne, ce qui veut dire que tous les pays européens appliquent les mêmes pratiques, les mêmes principes hein, de protection de l'animal. Et donc cette directive qui date maintenant de 2010 a renforcé la nécessité de protéger l'animal, a mis en avant justement cette fameuse règle des 3 R, on pourra y revenir. On va y revenir dans un instant. Et néanmoins, puisque cette directive date maintenant de 2010, il a été envisagé de voir si il était nécessaire de la réviser. C'est pour ça que là, en 2017, eh bien, il y a eu un réexamen qui a conclu. Donc, la Commission européenne s'est prononcée en disant que la directive actuelle, donc qui date de 2010, transposée en droit français en 2013, eh bien, répondait à l'heure actuelle à ce qu'on attendait d'elle. Alors, j'en profite pour dire que si on a réactualisé en quelque sorte les propositions de la précédente directive, il y a à mon avis des points qui ne sont pas du tout cohérents. Par exemple, je vous en donner un. La directive protège les embryons de mammifères dans le dernier tiers de la gestation. Bon, ce qui est très bien. Mais pas les embryons d'oiseaux dans le dernier tiers de la vie dans l'œuf. Or, sur un plan intellectuel, on voit pas très bien pourquoi il y a cette différence entre les mammifères et les oiseaux. C'est, si vous voulez, il y a des corvidés qui sont aussi intelligents largement que les rongeurs. On a consacré une émission à l'intelligence des corvidés ici même. On ne voit pas pourquoi la directive fait une telle différence entre la vie embryonnaire des mammifères et l'embryonnaire des oiseaux. Voilà un premier exemple. Et puis le deuxième point, alors il y a un gros progrès qui avait été en 2010, c'est justement d'avoir intégré ces fameuses pieuvres dans le respect des animaux. Jusqu'à présent, c'était que les vertébrés, ça c'est très bien. Maintenant, il y a des groupes d'animaux, il y a toute une série de travaux scientifiques sur les crustacés décapodes qui suggère qu'il y a peut-être une forme de conscience chez eux. Donc la question reste posée. Donc faut-il l'étendre au-delà, chez les invertébrés, au-delà des céphalopodes? C'est une question qui reste posée. Et qui sera sans doute peut-être exposée en 2019, puisqu'il a été répondu par la Commission que jusqu'en 2019, donc on pouvait s'appuyer sur la directive actuelle. Mais bien entendu, hein, la réglementation est vouée à évoluer en fonction des interrogations qu'on peut avoir et des réponses qu'on peut apporter à ces interrogations. Et on voit que la recherche en éthologie progresse énormément, et notamment autour de la recherche sur les émotions. On en reparlera d'ailleurs dans un forum, cette fois-ci début janvier, en direct et en public de la Sorbonne, une émission consacrée à l'année vue par les savoirs. Et nous traiterons ici, nous, à la méthode scientifique, de ce que l'éthologie a fait comme progrès dans la perception, la compréhension des émotions animales et toute la difficulté qu'il peut y avoir à appréhender ces émotions de manière scientifique. À ce propos, je ne sais pas si on a l'occasion d'en parler, mais je voudrais revenir quand même sur le fait que les règlements et les lois qui protègent les animaux dans le cadre de l'expérimentation animale sont souvent beaucoup plus en avance que ce qu'on trouve dans d'autres domaines. Je vais vous donner un exemple. À la suite de la directive de 2010, un chercheur n'a pas le droit pour s'amuser de torturer un poisson. C'est formellement interdit. Il tombe sur le coup de la loi, si j'ose dire. En revanche, quand c'est la gastronomie, envoyer une truite vivante dans l'eau bouillante, ça c'est OK. Si vous voulez, donc dans d'autres domaines, la loi n'est pas aussi rigoureuse qu'elle l'est dans l'application des règlements scientifiques. Oui, c'est une directrice de laboratoire qui partage votre point de vue, qui disait « La qualité de vie d'un poisson zèbre en laboratoire fait l'objet d'infiniment plus d'attention que celle des milliers de poissons qui finissent asphyxiés ou mutilés dans des filets de pêche industriels. » Bon, ensuite, est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux? On parle d'autre chose et on parle d'une démarche scientifique qui met à contribution des animaux et d'autres... voilà, d'autres traditions culinaires ou culturelles qui n'ont pas grand-chose à voir avec le bien commun, entre guillemets, Brigitte Rau. Sans parler de traditions culinaires, on peut évoquer, puisque dans l'actualité, actuellement, on évoque beaucoup la présence de rongeurs, de rats sur Paris, en tant que nuisibles, où là, on met en œuvre des mesures pour les exterminer, puisque le mot correspond à ce qui est mis en œuvre, par des techniques qui sont peut-être effectivement aussi discutables et qui sont en tout cas complètement à l'opposé de ce qui est demandé en recherche, où là, il est nécessaire d'apporter de tous les soins pour ces dix rongeurs. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h15 sur France Culture. Vous écoutez la méthode scientifique et nous parlons du sort réservé aux animaux de laboratoire en France, en Europe et dans le monde. Et puis de cette question, pourra-t-on un jour ne plus les mettre à contribution, ne plus utiliser ces animaux dans le cadre de la recherche scientifique? À partir de quel moment le paradigme a-t-il commencé à changer, Georges Chapoutier, au XXe siècle? À partir de quel moment on s'est dit on ne peut plus faire n'importe quoi avec les animaux dans les laboratoires? Oui, c'est pas au XXe siècle, c'est bien avant. Mm-hmm. Je serais tenté de dire que déjà dans l'Antiquité, il y avait deux courants. Un courant qui était favorable, disons, à l'utilisation générale de l'animal, le courant d'Aristote, disons. Et puis il y avait un certain nombre de gens qui disaient, pas du tout, les animaux, ces animaux sont des êtres très évolués, très proches de nous, et il faut les traiter avec grand respect, voire être végétarien. Donc déjà dans l'Antiquité, il y avait ce conflit. Alors qu'il a ressurgi, je serais tenté de dire, dès qu'a commencé l'expérimentation, c'est-à-dire à partir du 16e, 17e siècle, 18e. Et au 19e siècle, il y a eu des controverses extrêmement fortes, déjà, pour ou contre ce qu'on appelait la vivisection, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tellement d'anesthésiques, hein, et donc il y avait des conflits extrêmement violent à cette époque-là. Alors, ça a été fait petit à petit. L'apparition des anesthésiques a calmé un peu le jeu, parce que les expérimentateurs ont dit, regardez maintenant, tout se fait sous anesthésie, ce qui est pas tout à fait vrai. Et puis, mais le conflit, il est très ancien, si vous voulez. Il se modifie chaque fois. Néanmoins, Brigitte Rau, le paradigme bascule vraiment au milieu du XXe siècle. On peut dire que les premières règles sur l'expérimentation animale, l'utilisation, la mise à contribution des animaux dans le cadre de la recherche scientifique commencent à apparaître au milieu du XXe siècle. Oui, alors dans le cadre scientifique, oui, puisque en fait on commence à avoir un décret, par exemple, qui en 1968, qui impose de demander une autorisation pour pouvoir travailler sur les animaux. La protection animale, d'une manière générale, d'un point de vue réglementaire, a commencé en 1850 avec une loi Gramont qui protégeait les animaux des mauvais traitements en public et les animaux domestiques. Oui, surtout les animaux qui protégeaient l'homme, en fait. Oui, exactement, tout à fait. Et donc, il faut parler, vous évoquiez tout à l'heure la règle des 3 R qui a fait petit à petit son entrée et qu'on cite beaucoup dès qu'il est question d'expérimentation animale. C'est reduce, replace, refine, réduire, remplacer, raffiner. Cette règle, elle est établie dès 1959. Exactement, par deux chercheurs britanniques, justement, qui se sont interrogés sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qui pouvait être mis en œuvre pour protéger les animaux qui étaient des êtres sensibles et qui étaient mis à contribution. Et cette fameuse règle des 3 R, donc, consiste à remplacer les animaux, ça veut dire ne les utiliser que dans une perspective où nous n'avons pas la possibilité de répondre à la question scientifique sans passer par l'animal. Donc c'est la nécessité, de justifier de la nécessité. La réduction, bien entendu, du nombre d'animaux qui peuvent être mis à contribution. Et un point vraiment fondamental, c'est le raffinement. Diminuer toutes les contraintes que l'on peut imposer à l'animal. Améliorer les statistiques, enfin tout d'autre. Tout ce qui permet de réduire, en quelque sorte, de raffiner les procédures. Alors c'est vrai qu'on le dit, cette règle des 3 R, et puis on évoquait cette citation de dire que la qualité de vie d'un poisson zèbre en laboratoire fait l'objet de plus d'attention que les poissons qui sont maltraités, qui sont tués chaque jour pour l'industrie agroalimentaire. Néanmoins, il y a une enquête qui a été publiée il y a très peu de temps, il y a une dizaine de jours, une enquête comme on ne peut en voir et comme il y en a eu dans des abattoirs pour la chaîne d'agroalimentaire, cette fois-ci sur des rongeurs de laboratoire, qui a été relayée par la presse et qui montre que, eh bien, entre ce cadre très strict et cette volonté de contrôle et la réalité des pratiques dans les laboratoires, eh bien, il y a un delta qui peut être un delta assez important. Et effectivement, la vidéo est parfois assez désagréable à regarder. Alors, la règle des 3 R, c'est pas une règle de droit, c'est un souhait philosophique, c'est un souhait moral. Si vous voulez, tous les gens qui aiment bien les animaux, qui souhaitent améliorer leur statut, s'inspirent de la règle des 3 R. Et le législateur aussi, quand il fait ses règlements, comme les règlements européens. Mais c'est pas une règle qui s'impose. Le chercheur scientifique, il n'a pas très précisément devant son bureau en disant si vous respectez pas la règle des 3 R, vous serez puni de telle ou telle manière. Donc il y a une marge entre le souhait philosophique et moral et la façon dont il est appliqué. J'ajouterais qu'on ne peut pas non plus mettre un policier derrière chaque chercheur. Donc il y a des abus comme il y en a dans tous les domaines. C'est-à-dire, Brigitte Roux, vous pensez que, évidemment, ces vidéos font beaucoup d'effets parce qu'on se rend compte que malgré les cadres et malgré effectivement les cadres stricts que l'on peut mettre, eh bien, il y a des pratiques, il y a des dérives dans les pratiques que l'on peut constater, comme le dit Jean Chapoutier, certainement partout. Mais concernant aujourd'hui la souffrance et le bien-être animal, ces images restent malgré tout très, très gênantes et très embarrassantes. Alors, ce sont parfois des images ou des propos qui, effectivement, sortis de leur contexte, peuvent être mal interprétés, surtout par un public pas toujours bien informé. Les images ne laissent pas beaucoup de marge à l'interprétation, si vous me permettez. Il faut savoir que, par exemple, quand vous voyez, parce que très souvent, on peut montrer des images d'animaux qui, par exemple, saignent, ont une plaie, et associer de ce fait-là la présence de sang à une souffrance ou une douleur. Je pense que vous avez tous, une fois dans votre vie, saigné du nez, et donc la présence de sang n'est pas synonyme de douleur. Donc il faut se méfier aussi des images qu'on peut voir. On peut par ailleurs préciser que la vivisection peut faire partie de la fin d'un test sur un animal, et que cette vivisection est très désagréable à regarder, et que c'est néanmoins le sort de cet animal compte tenu de l'expérimentation mise en cours. Vivisection, en fait, comme vous l'a expliqué Georges Chapoutier, hein, effectivement, ce sont des termes qui avaient tout leur sens à une époque où on n'avait pas d'anesthésique, et qu'effectivement, pour comprendre le fonctionnement du vivant, Claude Bernard donc a disséqué des animaux à vivre sans anesthésie. Bien entendu, heureusement, nous avons maintenant l'anesthésie, et il n'est pas acceptable de faire des pratiques, de faire des interventions qui seraient invasives sur un animal sans l'anesthésier. Donc on ne parle plus de vivisection, je crois que le terme est tombé un peu en désuétude par rapport aux pratiques actuelles. Les ennemis de l'expérimentation animale utilisent vivisection un petit peu comme une insulte, je serais tenté de dire. Oui, mais ça ne correspond pas à la réalité des pratiques. Tout à fait. Voilà, je crois que c'est une chose qui est très claire à dire. Et donc, effectivement, qu'est-ce que dit aussi la réglementation ? C'est de respecter l'animal et de faire en sorte de ne pas lui faire subir des contraintes trop importantes. C'est pour ça qu'il est nécessaire, à un certain stade, eh bien, de préférer sacrifier, euthanasier cet animal dans des conditions les plus humaines possibles. Et donc, effectivement, il y a d'ailleurs un certain nombre de méthodes d'euthanasie qui sont proposées par la réglementation, adaptées à chaque espèce. Mmh. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne euthanasie ? C'est un animal qui va perdre conscience très rapidement, sans souffrance. Mmh. Oui, Jean Chapoutier. Oui, je reviens sur le problème des excès qu'il peut y avoir et des images choquantes. Si vous voulez, ça peut résulter du fait aussi que les chercheurs ne sont pas formés comme ils le devraient. Mmh. Il y a depuis quelque temps une formation générale des chercheurs, mais il est clair qu'un certain nombre de chercheurs qui n'auraient pas été formés suffisamment, qui diraient par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est ma thèse, mais les souris j'en ai rien à faire, peuvent être amenés à des choses qui sont contradictoires avec la loi, si vous voulez. Alors peut-être qu'il faut repréciser quel est le cadre exact aujourd'hui. Je suis chercheur dans un laboratoire, j'arrive à l'état au stade des essais précliniques, j'ai besoin d'avoir accès à des souris, à des poissons, pour réaliser des essais, pour poursuivre mes travaux de recherche. Comment ça se passe aujourd'hui, Brigitte Roux ? Quelles sont les étapes à franchir ? Quel est le cadre légal pour avoir... Alors, je voudrais, avant comme d'aborder cette question, je voudrais justement rebondir sur ce que Monsieur Chapoutier vient de dire. Je crois que lorsque certaines pratiques peuvent être dénoncées, il faut avant tout faire attention à ne pas penser qu'elles sont généralisées. Déjà. Donc, c'est pas parce que une personne, à un moment donné, parce que nul n'est irréprochable, à un moment donné va avoir un propos déplacé ou un geste déplacé, qu'il faut remettre en cause la totalité, en fait, de la démarche expérimentale. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième, comme je vous le disais, c'est que parfois, on peut mal interpréter, quand on ne connaît pas, on peut mal interpréter certains éléments. Voilà. Bon. Ça c'est sur ces vidéos. Non, mais il faut les adresser, parce que quand elles sortent, évidemment, elles, oui, parce qu'elles peuvent être choquantes. Elles peuvent être choquantes, elles parlent à l'opinion publique. Exactement. Et comme toujours, à partir d'un exemple unique, on peut tirer des généralités. Et puis, un exemple unique, ça veut dire aussi qu'il y a des failles que l'on peut, auxquelles il faut trouver des solutions. Ou essayer de vouloir remédier. Oui. Alors, c'est pour ça que, comme vous le soulignez, il y a une réglementation qui est quand même très, très contraignante, hein, très, très stricte, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Alors, revenons donc à la question initiale. Voilà. Aujourd'hui, moi, laborantin, chercheur, j'ai besoin d'avoir accès à un stock de souris pour faire des essais, je ne sais pas, disons, en optogénétique. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, la première des choses, il faut que vous puissiez être formé. Vous devez être obligatoirement formé, d'un point de vue, ce sont des formations réglementaires qui visent à sensibiliser justement les concepteurs de projets et les personnes qui vont participer aux études, qui visent à les sensibiliser sur la sensibilité des animaux. Mmh. Donc, vous devez être formé. Vous devez ensuite demander une autorisation auprès du ministère de la Recherche pour pouvoir mettre en œuvre votre projet, qui va donc s'appuyer sur les animaux. Ce projet sera autorisé après, ou non, hein, mm-hmm. après une évaluation éthique, enfin donc par un comité d'éthique qui donnera un avis favorable ou non. Mm-hmm. Alors généralement, sur ce point de vue-là, je tiens aussi à préciser que certains peuvent penser que tous les projets sont autorisés. Alors, on peut prendre effectivement on peut considérer que la très grande majorité des projets sont autorisés. Pourquoi ? Parce que entre la version qui est proposée au ministère et la version finale, il y a une évolution, il y a une discussion. Il y a des allers-retours. Exactement, entre le concepteur et le comité d'éthique. Est-ce qu'on a une proportion ou des chiffres entre le nombre de projets d'expérimentation animale qui sont proposés et le nombre de projets acceptés ? Ouais, je dirais, moi j'ai pas les chiffres puisque c'est le ministère de la Recherche qui est en charge de cet élément, mais effectivement les proportions sont, on doit atteindre les 95% oui, c'est très assez, facilement c'est puisque assez important, voilà, les concepteurs sont ouverts à la discussion et acceptent complètement les propositions qui leur sont faites. Georges Chapoutier. Je veux une réserve, encore une fois, parce que je suis un petit peu ici pour d'argumentation. Sur ces formations, qui sont très bien qu'elles existent, il est très bien que, depuis quelques années, les jeunes chercheurs doivent suivre une formation pour préalable à l'expérimentation. Il est très bien qu'ils demandent une autorisation au ministère, qui les limite sur certains animaux, qui ne font pas absolument n'importe quoi. Les formations, comme l'a dit ma collègue, le but prévu par le législateur, c'était de sensibiliser les chercheurs qui à la qualité sensible de l'animal sur lequel ils vont travailler. Or, je suis de ceux qui pensent, et les gens qui se préoccupent qui ont un souci pour les animaux pensent aussi, que ces formations sont très insuffisantes sur le plan de la sensibilisation. Mmh. En d'autres termes, que la formation philosophique et morale est très souvent absente ou très très limitée dans ces formations. C'est souvent une formation technique et je suis de ceux qui pensent que la notion de l'appréhension de la sensibilité des animaux devrait être accrue majoritairement dans ces formations. Vous partagez ce point de vue, Brigitte Roux, ou... Elle est quand même largement abordée, puisqu'en fait il y a des heures qui sont destinées à tout ce qui concerne deux l'éthique. Heures par formation. Non, pas deux heures, minimum quatre heures généralement, minimum. Et puis c'est surtout que ce qu'il faut voir dans la formation, la formation doit être continue. Elle ne doit pas s'arrêter à une formation qui va s'étaler sur 15 jours, mais c'est une formation au quotidien. Mmh. Et elle doit d'ailleurs, ces formations qui sont spécifiques, hein, réglementaires imposées, elles doivent s'accompagner de formations régulières, d'informations sur justement la mise en œuvre de ces 3R. Donc tout au long en fait de sa carrière, un chercheur, tout comme un technicien, une personne qui va réaliser les procédures, eh bien, doit, je dirais, accroître ses compétences et suivre des formations avec un minimum de 3 jours. Hein, la réglementation impose 3 jours sur des périodes de 6 ans. D'accord. Il y a un gros progrès, mais qu'on peut encore améliorer. On peut améliorer encore, selon vous, Georges Chapoutier, cette formation. On peut préciser que ces CEEA, ces comités d'éthique en expérimentation animale, ont été mis en place il y a un peu moins de 10 ans, en 2008, c'est ça ? Non, un petit peu avant. Ils ont été mis en place au niveau de la recherche industrielle dans les années 2000. Où effectivement, au niveau de la recherche académique, ils se sont structurés aussi aux alentours un petit peu plus tard, hein, quelques années après. Et au départ, leur consultation était facultative avant l'application de la directive, donc avant 2013. On passait de manière facultative, c'est une démarche du chercheur. Maintenant, c'est une démarche qui est obligatoire puisque elle est préalable à, l'autorisation de, du projet. Un mot aussi peut-être pour sur alors en même temps on en a déjà parlé. Il faut préciser aussi tout de même quelque chose depuis l'application de cette directive européenne de 2010 dans le droit français en 2013. On peut préciser quelque chose d'important, c'est que les essais cosmétiques sur les animaux ont été interdits strictement en France et en Europe. Ah oui, mais bien avant, depuis 2004 hein, de toute façon. Hein, donc là il y a eu un gros progrès. Voilà, non mais il faut le préciser parce que c'est le monde unitaire. Est-ce que certaines recherches ne sont pas ailleurs? Ça c'est notre problème. Mais en Europe il y a eu un progrès incontestable dans ce domaine. Incontestable. Mais ça on étendra un peu notre regard à l'international tout à l'heure. Une dernière question, puisqu'on voit bien que c'est l'un des points sur lesquels la morale, ou en tout cas le grand public achoppe, ou la réflexion autour de la mise à contribution de ces animaux de laboratoire dans la recherche scientifique, c'est la question du niveau de contrôle pendant le déroulé des manipulations, des expérimentations. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme de contrôle aléatoire ou... Alors oui, il y a des contrôles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque établissement, déjà, il y a une personne qui est responsable du bien-être des animaux et ce qu'on appelle une structure en charge du bien-être des animaux, donc qui doit aider le chercheur dans le suivi de ces animaux, qui doit faire des propositions pour éventuellement améliorer les conditions de l'animal. Et par derrière, comme je vous le disais, les établissements dans lesquels les animaux sont hébergés doivent faire l'objet d'agréments par les services vétérinaires, donc par le ministère de l'Agriculture, qui vient sur site, qui vient donc contrôler que les locaux correspondent bien à ce qui est attendu, qu'il y a bien un contrôle de la température, du taux d'humidité, que les dimensions des cages sont bien adaptées, qu'il y a de l'enrichissement, parce qu'il est aussi obligatoire de mettre des formes de petits jouets pour que les animaux puissent exprimer un comportement naturel. Et donc, il y a ces contrôles qui sont faits régulièrement. Et pour des raisons aussi scientifiques, puisque comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est le troisième R, refine pour dire que des animaux malheureux, des animaux stressés sont a priori des animaux avec lesquels on ne peut pas faire de la bonne science. Tout à fait, un animal qui est stressé, eh bien, on va avoir une modification d'un certain nombre de paramètres physiologiques. Donc des biais expérimentaux. Et des biais expérimentaux, tout à fait. Donc, je vais rajouter pour résumer ce qu'il vient de dire, je suis d'accord avec ce qu'a dit ma collègue, que les animaleries sont bien contrôlées et que je pense que de ce côté-là, il n'y a pas tellement de progrès à faire, il y a des contrôles réguliers, etc. Les animaleries sont déjà en bon état. En revanche, dans l'expérimentation elle-même, on peut pas, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque chercheur et s'il y a des gens qui dévient de ce qu'ils devraient faire, ça, c'est très difficile à contrôler. Oui, mais on peut aussi tabler sur le contrôle, sur l'équipe, sur le fait que les chercheurs travaillent dans des laboratoires en équipe. Oui, bien sûr, il faut former. Il faut former les chercheurs suffisamment. Tout à fait. Moi, je crois que c'est effectivement l'éducation est importante, beaucoup plus que la sanction. Donc, c'est un peu l'histoire de la carotte. La carotte marche mieux que le bâton. C'est vrai pour les enfants. C'est vrai aussi pour les scientifiques. Les scientifiques, c'est assez universel, comme. Eh ben, allez, une carotte pour tous les chercheurs qui nous écoutent. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h35, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons des animaux de laboratoire tout au long de cette heure et de leur éventuelle substitution pour permettre à la recherche de continuer sans avoir recours à ces animaux. Est-ce possible? Nous allons le voir dans la dernière partie de cette émission. Nous en parlons avec Brigitte Rau, qui est vétérinaire responsable du bureau de l'expérimentation animale de l'INSERM, et Georges Chapoutier, neurobiologiste, philosophe et membre du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Nous allons bien entendu évoquer donc maintenant les solutions de substitution à la mise à contribution d'espèces animales dans la recherche scientifique. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous qui ne supportez pas d'écraser un simple moustique, vous vous êtes rendu au laboratoire de biologie fonctionnelle et adaptative de l'Université Paris Diderot, un labo où les chercheurs n'utilisent plus d'animaux. Oui, ça a piqué ma curiosité, pas d'animaux dans ce labo, mais des vrais tissus humains. Le principe dans cette étude est d'évaluer l'effet de particules toxiques sur l'épithélium respiratoire. Armel Baeza, avec son équipe, font des tests directement sur des muqueuses bronchiques qu'ils font pousser eux-mêmes in vitro. Alors même si la technique ne peut pas remplacer l'expérimentation animale, elle permet au moins de mieux comprendre la toxicité aux échelles cellulaires et donc épargne les animaux pour des études à ce niveau-là. On s'intéresse à la toxicité de particules qui sont présentes dans l'air, que ce soit des particules diesel ou des particules fines. Et donc quand elles rentrent dans l'appareil respiratoire, elles vont rentrer en contact avec nos muqueuses, donc ce qu'on appelle l'épithélium respiratoire, donc que l'on reconstruit ici in vitro dans des boîtes de culture. Et donc on récupère des particules à l'extérieur que l'on va remettre en suspension dans des milieux de culture et qu'on va appliquer après sur les cellules, donc pour comprendre leur mécanisme d'action, donc comprendre ce qui est dans la particule est responsable de leur toxicité. Est-ce que c'est dépendant de la taille? Est-ce que c'est dépendant de la composition? Est-ce que cette composition peut varier en fonction des sources? Et est-ce que le fait d'étudier sur des cultures cellulaires apporte un avantage par rapport aux modèles animaux en dehors des aspects éthiques? Alors, chez l'animal, on va regarder des réponses plus globales. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre les mécanismes. Donc, de regarder l'interaction entre les particules et les cellules et décrypter ensuite tout ce qui se passe dans la cellule, donc toutes les cascades de signalisation, les modulations d'expression de gènes. Et donc, on est là en interface directe entre le polluant et les cellules, donc ce qui facilite ces études mécanistiques. Sur un modèle animal vivant, on ne pourrait pas faire des études aussi fines pour comprendre des mécanismes au niveau intracellulaire? C'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a d'autres facteurs qui vont pouvoir intervenir. La récupération des tissus est plus complexe. On n'est pas sûr d'avoir un seul type cellulaire. Puis il y a d'autres facteurs confondants qui peuvent intervenir. Donc d'où l'intérêt de travailler ici sur des approches in vitro, vraiment sur la cellule cible, pour comprendre comment elle réagit. En isolant un organe comme ça dans une boîte de culture, on peut quand même bien analyser l'action d'un polluant, par exemple, sur un organisme entier. Effectivement, le modèle in vitro ne peut pas mimer l'organisme entier, ça c'est clair et net. Donc en fait, l'intérêt de ces différentes approches est d'être complémentaires. Et donc chez l'animal, éventuellement, donc de faire des expositions qui vont pouvoir être longues, de voir l'apparition de pathologies, et avec les approches in vitro, de pouvoir comprendre comment on peut expliquer l'apparition de ces pathologies. Donc on veut en fait essayer de décrypter toute la séquence d'événements entre l'interaction initiale entre donc le toxique et des molécules cellulaires, et ensuite donc l'effet à l'échelle cellulaire, à l'échelle du tissu, de l'organe, pour aller ensuite jusqu'à l'animal. Donc c'est les approches qu'on développe actuellement en toxicologie, je dirais plus moderne, c'est justement d'avoir une vision un petit peu globale du moléculaire jusqu'à l'animal, donc avoir une vision intégrée à tous les niveaux d'organisation du vivant. Ça, c'est notre salle de culture. Juste pour rappel, ce sont des cellules humaines? Oui, tout à fait. Ce sont des cellules humaines que l'on utilise. Alors, on utilise soit des lignées, donc des cellules qui ont, en général, donc, proviennent de tumeurs humaines, qui ont donc la propriété de se multiplier. Mais certaines d'entre elles, et notamment celles qu'on utilise pour reconstituer une barrière, ont la capacité, quand on les met justement dans ce mode de culture en insert, ont quand même gardé des propriétés pour se différencier. Et en l'occurrence, celles-là vont reconstituer des cellules que l'on dit amucus, puisque dans notre muqueuse qui tapisse l'appareil respiratoire, on a à la fois des cellules ciliées et des cellules qui produisent du mucus. Alors, on a à côté de ça, on peut acheter des cellules humaines, des cultures primaires, donc qui proviennent directement de cellules bronchiques chez un homme ou une femme, et donc que l'on peut également donc maintenir en culture. Et là, on est capable de reproduire la différenciation normale donc avec des cellules ciliées et des cellules à mucus. Donc ça présente l'intérêt si on travaille effectivement sur des cellules qui viennent d'un individu normal ou d'un individu qui souffre d'asthme par exemple, ou d'un fumeur, de comparer justement leur sensibilité ensuite à un toxique. Est-ce que, ben, quand on parlait de capacité de passer la barrière épithéliale, est-ce que finalement c'est plus facile ou pas dans certaines conditions? Est-ce que les cellules vont répondre de manière exacerbée ou pas? Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes parce qu'on va comprendre les mécanismes et pouvoir mieux interpréter aussi pourquoi finalement quand on donc chez l'homme ou bien quand on fait des études chez l'animal, pourquoi effectivement on voit des différences de sensibilité. Si on faisait des études simplement de toxicité sur l'animal, les résultats seraient moins praticables pour des essais thérapeutiques. Donc effectivement, là, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas de barrière d'espèce. Donc pour l'extrapolation, c'est le plus facile. Mais bon, d'un autre côté, on est sur un système in vitro hein, qui ne reprend pas toute la complexité de l'organisme. Mais en tout cas, il présente l'intérêt d'avoir accès à des cellules humaines. Alors au niveau respiratoire, c'est relativement facile d'avoir des cellules. Mais ce n'est pas le cas pour tous les tissus et il faut en avoir conscience. Il y a effectivement des tissus qui sont plus difficiles et pour lesquels les études sur cellules humaines sont beaucoup plus compliquées. Voilà le reportage du jour hein, dans ce laboratoire qui utilise des cultures cellulaires à la place de modèles animaux, mais on entend bien à la fois l'intérêt de ces travaux de substitution et en même temps toute leur incomplétude pour le moment, et je pense que je vais vous mettre d'accord là-dessus, on ne sait pas faire sans animaux de laboratoire. Alors, vous l'avez bien dit, on l'a bien entendu, en fait, ce sont des méthodes qui sont complémentaires. Et qui sont déjà largement utilisées. Et largement utilisées. Et c'est quand, tout à l'heure, nous avons évoqué quelles étaient les différentes étapes pour un chercheur avant de travailler sur l'animal, eh bien, dans l'argumentation, quand on lui demande pourquoi il va passer sur l'animal, il faut bien entendu qu'il ait prouvé qu'il était nécessaire et qu'il y avait eu aussi des éléments qu'il avait pu extraire de cultures cellulaires, etc. Donc en fait, il y a différentes étapes hein, dans la recherche biomédicale et on voit bien, on passe de l'échelle moléculaire, cellulaire, tissulaire, on passe à l'animal et puis on peut revenir aussi parfois à nouveau à l'échelle cellulaire. Donc en fait, il y a des allers-retours et l'ensemble se complète, mais ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Je vais vous donner quelques exemples pour étayer un petit peu cela. La dame qu'on a écoutée dans le reportage le dit très clairement, c'est complémentaire. Il est impérativement souhaitable de développer ces méthodes cellulaires, tissulaires, etc. Je voudrais montrer des cas. Et on ne parle pas encore des modèles in silico et voilà. des modèles d'expérimentation virtuelle. Nos auditeurs pourraient se demander pourquoi on ne fait pas tout là-dessus. Alors je vous donne quelques exemples. Bien sûr. Les chercheurs mettent au point une molécule qui a l'air d'être un somnifère. Elle fait dormir une cellule. Est-ce que ça va faire dormir un être humain? Les chercheurs mettent au point une molécule qui apparemment calme les neurones. Ah, c'est au poil, ça produit des facteurs dans le système nerveux qui sont des facteurs calmants. Donc, ça pourrait avoir un effet anti-épileptique. Vous allez l'injecter à un patient avant de l'avoir essayé sur un organisme total au risque de lui fusiller les reins ou le foie. L'analyse qui a été faite sur la cellule ne suffit pas dans le modèle. Dès qu'on touche au modèle global, alors c'est vrai pour le cancer aussi. On a une molécule anticancéreuse au poil, elle calme elle va calmer la multiplication cellulaire sur un tissu. Merveilleux. Mais allez-vous l'injecter à un patient au risque, encore une fois, de fusiller un système sans savoir ce que ça donne sur un organisme total. Si vous voulez, on ne peut pas se passer d'une vérification sur l'organisme total avant de passer un essai thérapeutique chez l'homme. Oui, Brigitte Rome. Oui, je crois qu'effectivement, cette année, on fête les 70 ans du code de Nuremberg, qui avait été mis en place justement... Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1947. Voilà, pour éviter des pratiques qui avaient été faites sur l'être humain et qui n'étaient pas acceptables. Donc là, on voit bien qu'on peut tester, effectivement, la toxicité, c'est une première étape sur des cellules. Et si la toxicité est avérée, on ne va pas aller plus loin, bien entendu. Par contre, comment déterminer que une substance qui ne sera pas forcément toxique au niveau de la cellule ne le sera pas au sein de l'organisme une fois qu'elle sera modifiée parce que elle passera par la voie hépatique. Et donc ça, c'est effectivement un des éléments qui vont dans le sens d'une nécessité de pouvoir vérifier cela sur l'animal. Mais avec les progrès, Georges Chapoutier, avec les progrès, on l'a dit aujourd'hui, de la génétique, de la génomique, de la culture de tissus, même de la bioimpression, on en a parlé ici même, qui permet d'imprimer des tissus type ou des épithéliums éventuellement, alors de façon assez peu complexe comme on l'a entendu, mais tout de même, on arrive malgré tout pas à passer en dessous de ce plafond de 2 millions d'animaux utilisés. Ces progrès technologiques ne permettent pas de réduire un peu encore la marge. Je suis ceux qui pensent qu'on pourrait probablement réduire. Par exemple, les méthodes substitutives, je préfère dire complémentaires, ne sont pas assez encouragées. C'est très bien qu'elles existent, si vous voulez. Mais je pense que les pouvoirs publics pourraient mettre un petit peu plus le paquet là-dessus. Je vous donne un exemple. La Fondation droit animal, éthique et sciences, dont je me réclame, donne un prix tous les 2 ans, qui est le prix Kassler, du prix Nobel de physique, qui était son ancien président, pour promouvoir ces techniques, si vous voulez. C'est une association privée. On peut regretter que les pouvoirs publics n'aillent pas davantage dans ce sens-là. Se pose aussi la question, peut-être Brigitte Rau, et puis vous pourrez rebondir, se pose aussi la question tout de même de l'environnement international. C'est arrivé un peu dans notre discussion comme ça, de manière incidente jusqu'à présent, mais il faut la poser cette question. Effectivement, est-ce que, parce que l'Europe a des cadres très stricts, là où d'autres pays ont des cadres beaucoup plus souples, est-ce qu'il n'y a pas un problème, là aussi, de concurrence internationale qui fait que, à un moment donné, si j'ai envie d'aller faire mes tests in vivo sur des chimpanzés, ben du coup je pars pour l'Asie du Sud-Est, mettons, parce que je sais que là-bas c'est possible que je vais pouvoir malgré tout faire mes recherches dans un cadre beaucoup moins éthique. Ça pose un problème de structuration, d'unification internationale tout de même. Ah bien sûr, ça pose, très fort. Ça pose, vous l'avez dit, ça pose des interrogations financières, mais surtout éthiques, hein, parce qu'à partir du moment où des études se font dans des pays où on ne contrôle absolument pas la réglementation, on ne contrôle pas le cadre, on n'a aucune garantie justement du respect de l'animal. Et donc je crois qu'effectivement l'expérimentation sur l'animal elle sert à quoi? Elle sert à comprendre, on l'a vu, le fonctionnement du vivant, parfois son dysfonctionnement, pour essayer de le maîtriser. Donc en gros c'est quand même la recherche de l'immortalité de l'homme, donc ça c'est une quête qui est inhérente, propre à l'homme, et je crois qu'on ne pourra pas aller contre. Donc toute la question est de savoir dans quel cadre on l'a fait. Et donc, il faut que ce soit un cadre respectueux de l'animal. Il faut fixer des limites qui peuvent évoluer, d'ailleurs, au cours du temps. Hein, on l'a vu, la réglementation évolue. Et donc, effectivement, dans cette approche, on maîtrise ce qui se passe et la façon dont les animaux sont mis à contribution. La réglementation évolue parce que la recherche évolue aussi et que l'éthologie montre année après année que les animaux fortement céphalisés sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus proches de nous que ce qu'on avait cru. Oui, Brigitte Rau. Il faut aussi savoir, quand on parle justement des recherches biomédicales, les animaux eux-mêmes bénéficient des études qui sont réalisées sur leurs congénères. Hein, donc il faut pas non plus omettre cet aspect-là. À l'international, peut-être un mot. Alors c'est toujours difficile de pointer des coupables comme ça, de les condamner en place publique, mais il y a des États notoirement voyous sur l'expérimentation animale en laboratoire, dont on sait que l'éthique n'a aucune importance. Il y a des états voyous surtout. Oui, ça certainement. Mais dans le domaine des animaux de laboratoire et de l'expérimentation. On ne va pas citer des noms, je pense. D'accord. On va pas dénonciation. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a certains pays qui n'ont pas cette sensibilité et le même rapport à l'animal qu'on peut l'avoir en Europe. Les pays outre-Atlantique sont aussi sensibilisés à cette approche. Les Canadiens, par exemple, ont été très moteurs dans la mise à disposition de références, des recommandations sur la façon dont on devait approcher les animaux et les respecter. Je pense d'ailleurs que même dans nos pays, tous les gens ne sont pas sensibles à cela. Il y a une question de formation. Moi, j'ai vu des exemples très précis de gens qui, je me copiais de chimpanzés à l'époque, il y avait des gens qui étaient effrayés par ces chimpanzés et qui auraient fait n'importe quoi avec eux parce qu'ils n'aimaient pas du tout ces animaux, ils en avaient peur. En d'autres termes, la façon d'apprendre l'animal suppose une formation, de savoir quel type d'être on a en face de soi, d'avoir une certaine sympathie pour lui. Même en Occident, il y a des gens qui n'ont pas de sympathie pour les animaux. Hein. La doxa a tout de même changé et évolué, notamment ces dernières années, sur la compréhension de la condition animale par le grand public, me semble-t-il. Non, Georges Pouchier, vous n'êtes pas toujours, pas tout à fait d'accord. Pas tout le grand public. Bien sûr, il y a une fraction du grand public qui est très sensibilisée à ça, mais pas tous. Moi, j'ai vu des exemples de gens, encore une fois, pour qui l'animal n'avait pas beaucoup d'intérêt en tant que tel, parce qu'ils n'étaient pas formés. En tout cas, moi, pour interagir avec un grand nombre de chercheurs ou de techniciens, parce qu'il ne faut pas oublier aussi ces personnes qui travaillent au quotidien, au contact des animaux. Pour les manipulations. Il y a vraiment un échange qui se fait avec les animaux, et ces personnes-là sont très à l'écoute des animaux. Généralement, en fait, ils arrivent, les techniciens qui sont dans les centres de recherche arrivent parce que, justement, ils sont bienveillants envers les animaux et qu'ils veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager à un moment donné, dans les années à venir, pourquoi pas, un modèle d'expérimentation qui serait uniquement réversible ou en tout cas pas suffisamment invasif pour conduire à l'euthanasie? Je ne sais pas, Brigitte Rau. Alors, toute la question est de fixer des points limites, de savoir jusqu'où on accepte d'emmener un animal. Et effectivement, ces points limites évoluent. On essaie de faire en sorte qu'ils soient très précoces. Mais, bien entendu, la discussion est ouverte. Donc là, actuellement, ce qui est recommandé, c'est de ne pas laisser souffrir inutilement un animal. Donc s'il n'y a pas de rémission possible pour cet animal, eh bien, on va préférer lui accorder une mort douce, humaine, plutôt que de le laisser dans une condition pas très agréable. Une mort humaine pour un animal de laboratoire. Ça, ça pose aussi la question de la réhabilitation possible des animaux. Voilà, j'allais y venir, parce qu'il y a un quatrième des animaux comme les chats, les chiens, a priori, ça paraît très possible, mais il y a de moins en moins, heureusement, sur lesquels on expérimente. En revanche, de 200 000 souris, on ne voit pas très bien ce qu'on va en faire, si je veux dire. Oui, Brigitte Rau, la réhabilitation, ce serait le quatrième R. Aujourd'hui, on peut adopter des animaux de laboratoire, des lapins, des souris, des poissons. Oui, tout à fait. On a des associations qui œuvrent dans ce sens. Alors, bien entendu, tout dépend. Il est plus facile de replacer, comme on l'a évoqué, un chien ou un chat qu'une souris. Il faut néanmoins aussi tenir compte du fait que cet animal ne doit pas non plus présenter un risque pour l'environnement. Et on évoquait tout à l'heure des souris qui peuvent être modifiées génétiquement. Eh bien, en fait, elles rentrent aussi sous le coup de la réglementation des OGM, organismes génétiquement modifiés, qui impose de ne pas disséminer, donc en gros, de faire en sorte que ces petites souris ne se reproduisent pas avec des souris sauvages à l'extérieur. Voilà, on va vous mettre sur Twitter des liens si vous voulez adopter une petite souris de laboratoire, un petit lapin de laboratoire. Oui, Georges Chapoutier. Il se pose aussi la question du nombre, si vous voulez. Autant les souris, moi j'ai des souris chez moi, bien sûr, en petite quantité. Quand il y a des quantités énormes de souris, si vous voulez, on ne trouvera pas suffisamment pour les adopter. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ce qu'ont fait certains militants de la production animale il y a quelques années, c'est libérer ces souris. Ils ont libéré des milliers de souris blanches d'un laboratoire. Bien entendu, les chats et les chiens du voisinage s'en sont donnés à cœur joie, et ça a été la Saint-Barthélemy pour ces pauvres animaux. Oui, et puis surtout par rapport à certaines espèces, il faut qu'elles aient aussi appris à être sociabilisées. Puisque quand on évoquait des chiens de chat, qui sont vraiment des animaux avec lesquels on entretient une relation particulière, parfois ces animaux qui n'ont peut-être pas été soumis à des contraintes de la vie citadine, des klaxons, des voitures, etc., peuvent être apeurés si on les replace dans des conditions qui ne sont pas adaptées. Et à 16h52, comme tous les mercredis, c'est l'heure de la recherche montre en main, notre espace qui est consacré aux jeunes chercheurs, aux jeunes scientifiques qui viennent nous exposer leurs travaux de thèse à l'antenne chaque semaine. Nous sommes aujourd'hui en duplex depuis les locaux de nos confrères de France Bleu Loire-Océan à Nantes. Bonjour Émilie Berthaume. Bonjour. Vous êtes en thèse au laboratoire droit et changement social. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors moi, je travaille sur l'amélioration de la protection juridique de l'animal de laboratoire au sein de l'Union européenne, de l'Europe et plus particulièrement de la France. Il faut savoir que c'est un sujet pluridisciplinaire qui aborde des questions liées à la philosophie, aux sciences et bien sûr au droit. Mon travail est d'abord lié à la philosophie et plus particulièrement à l'éthique animale, qui est l'étude des rapports moraux et juridiques entre les animaux et les humains. La question de la souffrance animale, elle est au cœur de cette réflexion éthique. Et là, on peut constater le lien qui peut être fait avec mon sujet, c'est-à-dire que l'expérimentation animale douloureuse est-elle moralement acceptable? La majorité affirmera que non. Et une révision du droit de l'expérimentation animale est ainsi nécessaire pour éliminer cette possibilité d'expérimentation douloureuse, pour accroître donc la protection des animaux utilisés et aussi pour tenir compte de principes posés par l'éthique, c'est-à-dire respecter l'être du fait de sa sensibilité. les sciences apparaissent ici dans mon travail, c'est-à-dire que il faut savoir ce que signifie la douleur et la souffrance et quelles espèces ressentent ces dernières. Le droit de l'expérimentation animale, il fonde sa protection sur cette question, c'est-à-dire que les espèces qui ressentent la douleur vont se voir octroyer une protection. Actuellement, il s'agit des vertébrés et des céphalopodes. Un problème se pose alors, c'est que l'ensemble des animaux utilisés dans le cadre de l'expérimentation animale ne sont pas protégés. Il y a un nombre extraordinaire d'espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application des textes, malgré les recherches de ces dernières années, qui ont démontré que de multiples espèces d'invertébrés ressentaient la douleur. Par exemple, les crabes. Supprimer donc des textes le critère de la douleur permettrait une protection des espèces sans distinction. En outre, supprimer ce critère simplifierait les choses parce que le ressenti de la douleur reste une expérience subjective propre à chaque être. Ici, on peut enfin faire le lien avec le droit. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est possible de modifier dans les textes relatifs à l'expérimentation animale afin que les animaux bénéficient d'une protection optimale. En plus de ce qu'on a vu plus tôt, d'autres problèmes se posent. Ainsi, l'effectivité de la protection des animaux offerte par le droit d'expérimentation animale est mise à mal du fait de l'existence de trop nombreuses dérogations. Ainsi, beaucoup de principes posés par les textes mettant en place une protection plutôt bonne des animaux sont finalement assortis de dérogations qui réduisent cette même protection. Parmi ces principes, nous retrouvons par exemple le recours à l'anesthésie ou alors l'interdiction de recourir à des espèces protégées ou à certains primates non humains ou encore la question de la réutilisation d'un même animal dans plusieurs procédures. Une révision du droit est alors nécessaire afin qu'une protection certaine et efficace des animaux de labo soit mise en place. Autre élément qui vient rendre difficile une protection optimale des animaux utilisés dans ce cadre, les termes employés dans certains textes. Par exemple, il est recouru quelquefois à l'expression « dans toute la mesure du possible », qui fait alors penser à une obligation de moyens et non de résultats. Cette expression est notamment utilisée dans un article relatif au principe de remplacement. Elle vient alors limiter la portée de ce principe et par là même la protection des animaux de laboratoire, qui pourrait finalement ne plus exister si ce principe était appliqué strictement. Dans la pratique, il faut toutefois noter le problème de développement des méthodes de substitution, comme il l'a été indiqué plus tôt, et de validation de ces méthodes. Pour terminer, ce sujet est actuellement particulièrement intéressant en ce qui concerne la France, car avec l'uniformisation du statut juridique de l'animal dans les codes, c'est-à-dire que l'animal maintenant est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité, une question se pose. Comment l'expérimentation animale, telle qu'elle existe aujourd'hui, peut-elle perdurer ? Une mise en cohérence des textes relatifs à cette pratique avec ceux consacrant le caractère sensible de l'animal apparaît donc indispensable aujourd'hui. En effet, comment peut-on à la fois autoriser l'expérimentation animale, notamment lorsqu'elle est douloureuse, et reconnaître la sensibilité de l'animal aussi bien physique, par exemple les maltraitances sont punies par la loi, et psychique. L'abandon, lui, est réprimé également. Mmh. Une mise en cohérence afin de mettre fin à ces contradictions passe nécessairement par une modification de la protection juridique offerte à l'animal de laboratoire, et plus spécialement par un accroissement massif de cette protection. Et pour terminer, modifier le droit de propriété applicable à l'animal constituerait une avancée très importante dans la protection de ce dernier parce que ce droit, en fait, il permet à la fois de porter atteinte à celui-ci et de le protéger. Merci beaucoup, Emeline Berthaume. Une petite réaction rapidement à ce que vous venez d'entendre, Georges Chapoutier. C'est très difficile de réaction rapide, qu'elle évoquait beaucoup de choses intéressantes. Je pense que beaucoup d'idées sont très justes. Sur le fond général, qu'il faut arriver à la notion de savoir ce que c'est que la propriété de l'animal, c'est un problème très fondamental, mais qui pose un problème de société extrêmement grave. Et donc, on ne va pas résoudre ça ça pose un problème de fond qui mériterait toute une émission en tant que telle. Alors, mais écoutez, on y consacrera une émission en tant que telle parce que l'heure tourne et l'émission, malheureusement, est déjà terminée. Merci beaucoup à vous trois. Merci Emeline Berthaume, merci à nos camarades de France Bleu Loire-Océan à Nantes pour le duplex, merci à vous deux Brigitte Raux, merci Georges Chapoutier, je signale que vous avez co-écrit avec Françoise Tristani-Poteau le chercheur et la souris aux éditions du CNRS. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Ville, Francine Lausanne, Mathieu Lefrançois, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Alex Dang à la technique, Raphaël Béziquian au droit d'auteur.